Je suis sur une route à sens unique et la vitesse est limitée à 110 km/h. Le panneau de direction m'informe que Besançon est à 34 km d'ici. Il n'annonce pas une sortie pour Besançon. J'ai entamé un dépassement que je peux terminer sans aucune difficulté et sans commettre aucune erreur. Réponse B.